Bonjour à tous et bienvenue dans Radio Campus Montpellier, excusez-moi. Et vous êtes sur Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir l'univers du... Du comics. Ah, enfin. Bon, pour ceux qui ne nous suivent pas sur Facebook, sachez qu'on on tente le live Facebook. Le cadrage est dégueulasse parce qu'on l'a fait genre 2 minutes avant. Donc bah dites-moi, au pire, on demandera à Faye de bouger le cadrage si elle veut bien. Tu payes combien? Je paye très très cher. Bouge pas là, c'est du Brian de Palma là, c'est formidable. Ah. Ouais, avec vous avez un petit truc sur la table et tout, c'est magnifique. Vous pourrez revoir le replay de la vidéo. Regardez, on boit de l'eau. Si, regardez. On boit de l'eau, ouais. Et ouais, enfin, cette intro est horrible. Je te sens troublé. Ouais, je suis un peu troublé. J'étais dans ça et j'ai pas vu l'heure qu'il était, mais c'est pas grave. Du coup, bah, comment ça va tous les deux? Bien. Oui, ça va très bien. Et j'ai envie de dire que les gens peuvent aussi réagir sur Twitter, James. Exactement. C'est fantastique, la technologie. Exactement. Et que vous l'avez entendu, nous sommes avec Faye. Salut Faye. Oui, rebonjour tout le monde. Bonjour James. Et vous l'avez bonjour encore Mathieu. Entendu, c'est Mathieu. Excuse-moi, je te coupe la parole. C'est pas grave. Ça va, Mathieu? Salut à tous. Ouais, ça va bien. Donc, encore une équipe restreinte. Et on va le répéter, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Si vous êtes sur Montpellier, que vous avez envie de discuter de comics avec nous, eh ben, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à comics. Maintenant, à contact@comicsdiscovery.fr. Puisque si vous ne l'avez pas vu sur Facebook, on a lancé le site internet qui est beau. Ça y est, on ne arrête plus. Et qui est bien rangé. Faye y a travaillé dessus toute cette semaine et c'est super bien rangé, c'est bio, c'est beau et c'est bon. Donc allez-y, c'est comicsdiscovery.fr tout simplement. Ouais. Et on va continuer sur les news. Est-ce que vous êtes prêts pour les news? Allez. Oui. Et ben c'est parti, générique. Il est génial ce générique. On le dira jamais assez, hein. Il est vraiment génial ce générique. Et on va commencer tout de suite avec moi qui vais vous parler de Rebirth qui perd son effet, puisque je vous en avais parlé dans le numéro 1 de Comics Discovery, la première émission. DC est passé en tête au niveau des ventes de Marvel grâce à son relaunch Rebirth. Il n'est pas encore arrivé en VF. Et qui ne saurait tarder, et que j'ai vraiment hâte de lire. Donc, grâce à ce relaunch qui avait. Non, tu fais des petites grimaces. Ouais. Tu n'as pas hâte de lire le nouveau relaunch DC? J'ai commencé en VO. Si, Green Lantern est assez fun. Après, pour l'instant, les Batman sont pas. C'est pas Snyder quand même. Hein, mais, ah ouais bon. C'est Tom King qui est sur. Il y a Tom King et il y a James Tynion IV sur la série Detective Comics qui est un petit protégé de Snyder. Ça change de ton, voilà. C'est un peu. Et t'aimes pas trop. Différent. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de lire dans du Batman, mais. Est-ce que tu as lu la série que j'attends particulièrement et la série que tout le monde devrait attendre particulièrement? Ça m'étonnerait. C'est Trinity. Ah, je crois que tu vas dire Flash. Non, s'en fout. Oui, c'est sûr. Mais Manapool, il fait quoi, non? Je sais Trinity. Pas. Trinity. Oui, c'est ça. Ah, ouais, d'accord. Tout se tient. Ouais. Exactement. Bon, bah. Comme je le disais, excusez-moi. Il va mourir à la radio. Je vais mourir à la radio, excusez-moi. Et en plus sur Facebook. Ouais, salut Facebook. Donc je dis en train de dire que Rebirth avait gagné, parce que ça fait un moment qu'ils étaient deuxième face à Marvel, qui est quand même le leader historique a priori de la vente de comics, notamment aux États-Unis en ouais, tout cas. Puis alors depuis le rachat de la franchise Star Wars, d'autant plus. Hein, ouais. Ça, ils sont vraiment passés devant. Ouais. Et ben, ça faisait 2-3 mois que DC était devant et finalement, malheureusement, ils ont perdu cette tête pour Marvel, qui notamment grâce à sa série Champion, qui met en avant des jeunes héros, avec à sa tête l'équipe créative Mark Waid, Humberto Ramos, qui apparemment est assez vendeuse et donc ils vont beaucoup plus de ventes que Marvel, malheureusement. Que DC. Ouais, que DC, excusez-moi. Je te sens troublé aujourd'hui. Oui, je suis troublé, je dis n'importe quoi. Ça a commencé trop vite. Et ben, pour la peine, on va passer à une autre news. Et c'est Mathieu qui va nous parler de Chris Claremont. Oui, Chris Claremont, scénariste culte américain, scénariste de comics bien sûr, qui a notamment connu pour avoir relancé les X-Men autour des années 70, créé la deuxième équipe avec Wolverine, Tornade, Diablo, et Malicia, il y avait Colossus, enfin voilà, qui a tenu les rênes des X-Men pendant des années, un gros run avec notamment tout ce qui se passe autour du Phénix, enfin vraiment un auteur vraiment culte. Qui en fait a répondu à une interview à la New York Comic Con, qui a simplement déclaré qu'il avait un contrat d'exclusivité chez Marvel, parce que je pense que les gens demandent un petit peu des nouvelles, parce qu'il n'y a pas grand chose qui sortait de lui. Et en là, fait, ça donc, fait depuis, je crois, 2014 qu'il a sorti. C'est un petit moment. Alors je reconnais que moi, je pourrais avoir lu ce qu'il avait fait un petit peu. Il est un peu. Sûrement de Papy Claremont, il avait un peu perdu la main. C'était un peu oldies, mais pas forcément intéressant. Et en fait, il a simplement dit qu'il était dans contrat d'exclu chez Marvel, il était payé, mais il ne travaillait pas. Ce qui était quand même plutôt cool. Oui, c'est sympa pour lui, il a la retraite. Voilà, il a la retraite. Alors c'est un peu dommage parce que c'est quand même un scénariste et culte et qui mérite c'était peut-être une fin de carrière un peu plus hype, mais voilà, on peut percer comme ça et faire du social chez Marvel et de payer à lire des comics sans doute en plus. C'est plutôt cool. Bah pourquoi pas, moi je c'est dommage pour nous parce que ça reste, bon encore une fois c'était pas extraordinaire ce qu'il faisait, mais ça reste quand même un scénariste sur la touche, mais bon il a pas l'air malheureux. Donc bon, tant mieux. Puis des fois adorée. C'est bien de prendre peut-être un peu de recul pour après revenir et avoir de meilleures idées, parce que au bout d'un moment on se fatigue peut-être. Je ne sais pas, James, ce que tu en penses. Oui, puis c'est peut-être un moyen de Marvel de le garder sous le coude, c'est quand même clairement, ça serait dommage qu'il parte chez DC pour faire un titre extraordinaire qui passe devant tout le monde. Exactement. Je tenais à dire un petit truc pour les gens qui nous écoutent peut-être sur Facebook. Peut-être le son doit être dégueulasse, mais écoutez-nous sur Internet. Internet, sur, Radio Campus, sur la meilleure radio du Montpellier, monde. Voilà, bien exactement. Et vous aurez un meilleur son. Parce que là, le son doit être, vu que le téléphone est un peu loin, le son doit être dégueulasse. Donc voilà, c'était juste et un. Et puis en fait, je suis en train de voir le cadrage est très. Battlefield Earth, ouais, il est dégueulasse. Je crois qu'on va arrêter ce live Facebook dans quelques temps. C'était un test. C'était un test. Ce n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Du coup, Faye va passer à une autre news. Et pendant que tu vas faire ta news, moi j'ai cherché ma feuille de temps parce que j'oublie de la prendre. Ok, d'accord. Eh bien, mes amis, je vais vous donner des nouvelles saga X-Men. Parti, on parle de Star Wars. Ouais, alors en fait, on s'en fout de la saga X-Men. Non, mais Star Wars, c'est trop bien et tout, c'est génial. Non, allez, sérieux. Non, la saga X-Men au cinéma, eh bien, ça va pas très très bien. Déjà, le petit Hugh Jackman qui faisait Wolverine vient donc de terminer, de dire adieu à ce rôle qu'il a rendu pas quasi mythique pour certains, mais bon, quand même. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle affiche qui est sortie pour Wolverine, je le signale. Ensuite, eh bien, on a Jennifer Lawrence, Fassbender, McAvoy, enfin toute la fine équipe qui ont eu leur contrat fini. On a aussi le réalisateur Bryan Singer qui ne veut plus revenir à la réalisation. Donc, que va faire la Fox ? Eh bien, ils ont décidé de remettre la licence à zéro, d'engager quelqu'un d'autre donc, pour diriger tout ça, qui sera monsieur Simon Kinberg, qui est producteur et scénariste. Et celui-ci espère récupérer les acteurs qui ont fini leur contrat pour recommencer à zéro. Donc j'ai envie de dire, est-ce que ça sent pas un peu le pâté, les amis ? Est-ce que vous devriez pas laisser la licence à Marvel, arrêter les frais, surtout que les derniers films ont été assez décriés par moi déjà ? Messieurs. Oui, bah oui, attendez, je suis pas du tout, je suis sur Life Facebook. On parle de Star Wars. Alors, on parle de X-Men. Oui, donc il y a un reboot de X-Men. Bah, ils veulent reprendre tout à zéro pour essayer de relancer cette licence, étant donné qu'en plus, il devait faire un film Gambit qui a perdu son réalisateur et qui a été encore repoussé. Et qui n'est même pas écrit en plus. Il avait même pas de scénario, je crois. Ah non, mais c'est reparti. C'est pas grave. Donc un reboot complet de mais moi je pense qu'il va il y a peut-être une autre solution, et c'est une solution qui est peut-être plus intéressante. C'est de vendre la licence, enfin bon, laisser la licence à Marvel. C'est ce que je viens de dire il y a deux secondes. Ce serait peut-être plus intelligent. Ouais. Bon, elle est quand même plus lucrative, non ? Là, j'ai l'impression ils ont. Bon, les deux derniers films étaient moyens. Alors, le dernier film a pas des masses marché. En fait, il a pas fait les chiffres qui étaient attendus, donc assez décevant pour le studio. Sinon, tu fais comme Sony avec Spider-Man, tu fais une espèce de contrat entre les deux brands, et puis bon, il y aura forcément des films X-Men. En plus, bon, j'ai pas vu le dernier, mais ça se finit avec une nouvelle équipe de jeunes, non ? Oui, bah oui, tu retrouves l'équipe qu'il y avait dans le X-Men. Un à peu près, quoi. Ouais, et puis les reboots d'univers de super-héros, maintenant on a l'habitude au cinéma. Il y a le troisième Spider-Man qui sort là, l'année prochaine, ou je sais pas quoi. Enfin bon, ça a l'air, ouais, à mon avis, on va encore en manger, mais effectivement, à un moment donné. Puis Simon Kinberg, il a fait pas mal de trucs. Il bosse beaucoup trop, peut-être. Je sais pas si c'est le. C'est un mec dans le système, hein, donc il va pas nous sortir des trucs extraordinaires, à mon avis, ça va être assez bateau. Mais moi je vais vous dire, tant que Joss Whedon, ce dieu vivant, ne viendra pas mettre son grain de sel dans X-Men et reprendre la licence, je ne suivrai plus au cinéma. Alors, il faut qu'il mette en image son run de X-Men en comics. X-Men. J'ai eu l'occasion de le lire assez récemment là, et je me suis régalée. Astonishing X-Men, ouais, je conseille aussi. Fait, ouais. C'est un très bon run. Donc c'est Josh Whedon et John Cassaday au dessin. Ouais. Si jamais vous connaissez pas trop X-Men, en plus et pour John rentrer Cassaday, dedans, il travaille sur Star Wars. Il me semble qu'il a fait du Star Wars. Il a fait les premiers Star Wars Marvel. Ça y est, le lien. C'est génial. Une autre news. Vas-y. Une autre news. Ouais, passer une autre news. Pendant que je viens d'arrêter le live Facebook, je crois que c'est vraiment un échec total. Ce n'est pas grave. Donc moi, je vais vous parler de Marvel qui annonce un nouvel univers partagé. Donc c'est la maison d'idées qui a annoncé récemment que les séries Daredevil, Elektra, Kingpin, donc sur le Kaïd, et Bullseye, je ne sais pas comment on le prononce bien comme il faut, va avoir son propre univers de poche tiré des séries Netflix. Et ce sera chapeauté par le petit Ed Brisson, connu pour les deux récits qui sont Clerks Hearst et Châtelred. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce petit univers, un petit truc autour des séries Netflix? Ça c'est comics, hein, c'est ça? Oui, c'est comics, ouais. D'accord. Bah non, c'est une bonne idée après tout. Bon, ils surfent, voilà. Ils surfent sur la vague. Ils surfent sur la vague, pourquoi pas. Après, je connais pas le Ed Brisson, mais c'est vrai que Daredevil, Elektra, Kingpin, Bullseye, pour un peu que tu mettes un peu de Punisher ou des machins comme ça au milieu. C'est pas mal ce qu'ils font Marvel en ce moment, je trouve. Ils ont fait un peu pareil sur les X-Men, ils ont un peu en comics resserré le truc, je trouve, dans un truc un peu plus cohérent. Avant, ça partait de partout. Ça manquait un petit peu de cohérence et de fil directeur, donc non, c'est une bonne chose. Puis ça, comme ça, moi, ça forcera un peu les gens à acheter 4 séries, c'est pas bête. Faye, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, X-Men, j'avais un peu. Tu vois, en comics, je suis pas beaucoup de séries, mais c'est vrai que. Non, on est sur Daredevil. Ouais, par moi, oui, mais à parler d'X-Men, genre de X-Men. Et, moi, il est sur le Daredevil. Ouais, non, mais sur deux X-Men tout à l'heure. Oui, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, bon, c'est à voir. Dans Daredevil aussi, c'est des séries que j'ai un peu lues, un peu grâce à toi. Ouais, notamment le run de Brubaker qui est très très voilà, bien. Voilà, et il y a des histoires que j'aime, d'autres non, c'est pas un perso préféré, non, mais c'est une bonne histoire. En fait, tu voilà, n'as pas quoi. Su la news, c'est qu'il va y avoir un nouvel univers. Personne n'écoute en fait. Ouais, personne n'écoute, putain, même les auditeurs n'écoutent plus. On est dissipés, c'est vrai, on est dissipés, vraiment l'émission bizarre. Donc Marvel a annoncé qu'il y aurait un nouvel univers partagé entre les séries Daredevil, Elektra et Kingpin, un univers entre eux, tu vois. Bon, je sais pas si ce sera connecté au reste de l'univers, mais vraiment... Après, il faut voir l'histoire, si c'est bien ou pas, ça dépend. Elektra, c'est un perso qui peut être intéressant, mais en même temps, ils ont fait des choses pas terribles aussi avec, donc... Et ce sera tiré des séries Netflix. Ouais, alors... plus sur le méchant que Elektra, elle était un peu décevante sur Netflix, hein. Ouais, pas aussi, aimé du pas tout. Mais par contre, est-ce qu'il y aura des portières? Peut-être qu'il y aura des portières. S'il y a des portières, genre... Et le caïd qui ferme des portières. Et des fois, il y a des trucs entre la portière et le... Ah oui, et la... Tu as compris la référence. Oui, ça y est, pardon. Ouais. C'est bon, je me suis rattrapé. Oui, c'est bon. Et bah, du coup, tu vas nous faire ta news. Oui, c'était... attendez, les Inhumains, c'est ça? Ouais, si tu veux, vas-y. Ouais. Alors, bah, rappelez-vous, Marvel avait depuis un moment dans ses cartons un projet de faire un film sur les Inhumains. Et puis, bon, au final, on les a eus dans la série Agent of S.H.I.E.L.D. Pardon. Et James est en train de boire ce sale alcoolique. Désolé. Et en gros, les Inhumains, pour ceux qui n'ont pas vu la série, ce sont des extraterrestres qui arrivent sur Terre, qui font des manipulations sur des humains. Et les personnes sur qui ça marche ont des pouvoirs, en quelque sorte, hein, on va dire comme ça. Et donc, en fait, là, Marvel a une idée plutôt intéressante. Donc, ils vont faire une série spécial sur les Inhumains. Et ce qui est cool, c'est que les deux premiers épisodes de la série vont sortir au cinéma en IMAX 2 semaines avant la diffusion à la télévision. Vous suivez ? Partout, juste. Alors, ça sera partout dans le monde, mon cher James. Donc, tu pourras peut-être le voir près de chez toi. Les deux épisodes seront montés en montage film. Ouais. Donc, ils resteront pendant 2 semaines au cinéma. Ensuite, on les aura sur la télé avec un montage plus adapté pour la télévision. Ok, donc, chez ABC, à vrai. Coupé en deux parties. Exactement, sur ABC qui appartient à Disney. Et Disney qui possède aussi Marvel. Voilà, tout est lié. Voilà, tout est lié. Et qui possède aussi Lucasfilm. Voilà. Exactement. Ils avaient fait exactement pareil pour The Clone Wars. Hop. Tout à fait. Et donc, la série, en fait, suivra les aventures de. Alors, ce que je prends, Black Bolt. Voilà, ça, Flèche et de noire, ses amis. Voilà, je connais pas les noms. Qui est le roi des Inhumains. Ouais, voilà. Qui s'y parle, il fait exploser la Terre. Voilà, qui est obligé de rester silencieux. Ah oui, c'est lui, d'accord. Okay, j'avais pas retenu les noms, excusez-moi. Il mais... y a un petit truc, toi qui as lu beaucoup de comics, il y a un petit truc, bon, c'est complètement anecdotique, mais qui me fait tilter à chaque fois avec ces histoires de Black Bolt et notamment de Médusa. Donc, est-ce que Médusa a des. Médusa, c'est sa femme. Médusa, c'est ta femme qui a des pouvoirs avec ses cheveux. C'est ça. Mais est-ce qu'elle a des pouvoirs télépathiques? Bon, ça n'a jamais été dit. Oui, par rapport à ce que. Et en fait, elle parce parle que parce que, comme Black Bolt ne peut pas parler, elle parle à sa place. Alors, de grosse déception, j'en ai pas lu assez des Inhumains. Ouais, donc tu pourrais pas dire. Mais comment ça se fait qu'est-ce qui nous dit qu'elle dit vraiment ce que. Ils sont mariés et femmes, ils se comprennent. Ah, d'accord. Mais oui, c'est ils comme toi amoureux. Et moi, tu vois. Ah, d'accord. Mais, donc voilà. Je peux parler à ta place sans que tu aies rien à dire. Non, parce qu'on peut pas me faire taire. Voilà, bon, bah c'est pas grave. Et on va passer à une autre news encore de Faye. Encore moi ? Oui, c'est encore tout. Oh, bah, c'est une petite news tranquillette. Vous connaissez la petite Jessica Chastain ? Oui, vous elle savez, est rousse. Cette petite elle rousse, est mignonne. Voilà, qui était dans le... Interstellar. Oui, et qu'on a pu voir aussi dans le film de Guillermo del Toro, Crimson Pike, que j'aime beaucoup. Oui. Magnifique accent, vous avez vu ça. Eh bien, cette gentille actrice, qui est quand même assez douée, il faut le reconnaître, va produire et jouer dans l'adaptation du comics Painkiller Jen. Donc, je ne connaissais pas trop, j'ai fait des recherches en voyant cette news, et j'ai appris donc que c'était l'histoire d'une flic qui, après avoir, il me semble, perdu la vie, revient en étant quasiment invincible. Donc, ce serait un comics qui a été créé en 95, notamment par Joe Quesada, il me semble. Mmh. Voilà, et bah écoutez, on n'a pas plus d'informations, mais ça peut être sympathique. Mais elle produit en plus de. Et c'est ce que j'ai dit, elle produit, donc. Ça me donne assez envie parce que je trouve qu'elle. Elle choisit bien ses rôles, elle, ouais. Tu veux parler à ma place, en fait. Bah, tu vois, je suis. C'est magnifique. Ça se finit, ouais. Ça finit les pensées des autres. Non, mais c'est une actrice qui est assez douée, je trouve, donc pourquoi pas. Est-ce que tu as lu, toi, Painkiller Jane? Oui, ça, j'ai lu Painkiller Jane. Et alors, c'est bien. C'était pas mal, par contre, c'était assez sombre, c'était assez violent. Je me demande s'ils n'avaient pas tenté une série télé à un moment donné. Ouais, je crois qu'il y a eu un truc. Oui, me semble, c'était la chaîne. Sci-fi, si oui. Je me trompe. Ah bah oui, c'est ça. Non, j'avais regardé. Non, ah bah oui. Ça y est. Non, mais c'était, ouais, c'était là, ça, c'est assez basicos. Mais dans, encore une fois, on répète toujours pareil. Mais dans un truc un peu à la Netflix entre guillemets, ça serait pas mal du tout. En plus, une bonne actrice, donc pourquoi pas. Ouais, ouais. Il y a du, y a pas un potentiel extraordinaire dans le personnage, mais avec un bon scénario derrière. Pourquoi pas. Visuellement, oui, pourquoi ça pas. Ça peut passer. Ok, et on va passer à une autre news. Et bah moi je voulais vous parler d'un truc, bon, c'est une news un peu bizarre, parce qu'en fait je vais vérifier si je peux eu un mail d'ailleurs. En même temps, c'est du direct. L'info en direct, vous avez chez l'info Discovery. En direct. donc j'étais en train de vous dire que ce week-end, si vous savez pas quoi faire, vous pouvez aller à Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, la ville à côté de Montpellier, qui a plein de beaux. J'aimerais bien que tu enchaînes, Faye, non ? Oui, Aigues-Mortes, oui. C'est médiéval. Mort. C'est une cité médiévale, ouais, voilà. Avec plein de remparts et plein de trucs comme ça. Ouais. Et ils vont faire pour la première fois, et j'ai pas eu de réponse, donc c'est pas grave, un festival BD. Ce week-end, vous avez un festival BD. J'ai essayé de trouver des infos parce que j'ai vu ça sur Facebook avec une petite affiche vite fait, mais j'ai pas trouvé d'article malheureusement qui donnait un peu plus de programme. Donc, a priori, c'est très très artiste de presse en fait, avec Dadou et avec. J'ai pas retenu les noms, je suis désolé. Mais vous irez voir, on mettra en lien sur l'épisode. Et du coup, c'est pas très très comics, c'est pas très très comics, mais ça reste dans la bande dessinée. Donc si vous savez pas quoi faire ce week-end, que vous avez envie d'aller visiter Aigues-Mortes, parce qu'à ce qui paraît c'est très joli, je ne l'ai pas vu moi-même, mais si c'est magnifique, c'est magnifique. Ah oui, c'est une vieille ville médiévale avec des vieilles rues. Non, c'est des vieilles pierres, moi j'aime bien. Toi tu n'aimes pas Aigues-Mortes? Non. D'accord. Il y a un bar formidable. Je préfère ça. Il y a un bar formidable. Comment il s'appelle? Est-ce que tu te souviens? Le Tac-Tac. Le Tac-Tac. Ok. Donc vous pourrez aller au Tac-Tac et en plus vous pouvez aller au festival de la BD qui se déroulera ce week-end. Donc peut-être. C'est vrai que sur la région quand même. Sur la région il n'y a pas grand chose. Oui. Donc pourquoi pas. Il y avait à Palavas. Il y avait à Palavas, mais c'est petit aussi. Donc je sais pas. Et c'est la première édition, donc autant. Voilà, ça se lance quoi. Ouais, ça se lance. Ouais. Autour des bulles, mais autour des bulles c'est mort. Ouais. Et comme on est dans les news festival, notre maire adoré Philippe Sorel, enfin adoré, je sais pas. Attention. Philippe Sorel est en train de préparer un gros truc autour de la bande dessinée. Apparemment, j'ai vu un article passer là-dessus. Donc c'est à surveiller. Peut-être qu'à Montpellier, vous aurez le droit à un nouvel Angoulême, mais à Montpellier. Ce serait très très bien. Et on va finir avec une dernière news. Et c'est une nouvelle rubrique qui m'a été soufflée par Mathieu. Oh. Donc tu ne le savais pas, mais maintenant tu le sais. C'est une espèce de checklist pour savoir qu'est-ce qui va sortir cette semaine. Ah, et oui, qu'est-ce que on me rappelle un truc. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Et ben, on va te donner la parole puisque cette semaine il n'y a pas grand-chose qui sort côté. Je reste que sur la librairie. On va pas parler des titres kiosque parce que c'est pas. Enfin, c'est des trucs kiosque, donc c'est pas forcément intéressant. Il y a Star Wars qui est sorti. Il y a Star Wars qui est sorti. Et dont j'ai fait un article sur un site qui s'appelle Comics Discovery. Exactement. Vous pouvez aller sur le site web, vous retrouverez la double critique de Star Wars tome 3 et Dark Vador tome 3. Et c'est marrant, ils ont gardé Dark Vador, c'est pas Darth Vader tome 3. Bah parce qu'en France, ils l'ont traduit par Dark Vador depuis ouais, mais ils auraient pu virer la traduction, non, je sais pas. Oh, c'est devenu un clin d'œil. Les gens ils sont habitués quoi. Oui. Donc enfin bon. Vendredi va sortir chez Urban Comics Scalped, la réédition. Donc comme 100 Bullets dont vous parlez aujourd'hui, c'est le même esprit. Donc est-ce que tu veux nous parler, tu nous en avais déjà parlé, mais un petit mot ouais, sur Scalped. C'est vraiment très très bon, c'est Jason Aaron qui scénarise, donc on en a parlé pour Doctor Strange. Oui. C'est en quelques mots, c'est une histoire assez sordide d'un Indien aux États-Unis qui revient dans sa réserve, merci. Et le comics montre beaucoup la vie de la réserve dans ce cadre plus sordide, c'est-à-dire souvent des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, construction d'un casino derrière et toute cette culture qui est en train de se détruire sous la pression du reste des habitants. Et c'est une histoire policière, il y a du mort, il y a du cul, il y a de la drogue, c'est très très prenant, les persos sont très très bien écrits. Bon, c'est pas forcément excessivement. C'est un peu comme One and Red Bullet, le meilleur de Vertigo. Enfin, ce qui. Oui, ouais, c'est vraiment une excellente série. C'est vraiment tout la dramaturgie autour des personnages qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent dans ce microcosme vraiment, vraiment glauque. C'est du très très bon thriller, un peu bien sombre. C'est vraiment bien. Ouais, ça ressemble un peu effectivement à One and Red Bullet. Ok, bah moi tu m'as hypé un peu. Donc vendredi, si vous savez pas quoi acheter, vous pouvez acheter Sculpt. Et il y a un deuxième truc qui sort. C'est aussi une intégrale et c'est Batman Sombre Reflet, donc c'est la suite. On en avait déjà parlé aussi dans une émission, l'émission spéciale Halloween où Thomas, d'ailleurs, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Thomas. Bon anniversaire, Thomas. Bon anniversaire. Ouais. Donc Thomas, 14 ans, c'est ça? Exactement. Il commence à muer, ça. Ouais, exactement. Vous ne le reconnaîtrez plus la prochaine fois. Donc Thomas nous en avait parlé parce qu'il avait parlé d'un long Halloween et un sombre reflet. C'est la suite de un long Halloween par Scott Snyder et je ne sais plus qui est au dessin. Je suis pas désolé. Oui, c'est peut-être le Joker. C'est un truc que j'ai pas lu, moi. Tu l'as lu, son gros reflet? Je crois que oui, maintenant que tu m'en parles. Il me semble que c'est les derniers épisodes de Detective Comics avant reboot de 2011. Oui. J'ai un très bon souvenir. C'est Batman qui est vraiment détective, qui est un peu moins super-héros, qui voilà, c'est un peu plus intimiste, entre guillemets. T'as pas une tripotée de méchants tout en couleur. C'est vraiment un peu plus enquête. Mais c'est vraiment l'esprit, comme on disait, de Halloween de Tim... Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu plus réaliste, entre guillemets. Et puis, Joker au dessin, c'est un peu particulier, faut aimer, mais il y a une ambiance assez sombre, ouais, j'ai un très bon souvenir de ce truc. Puis ça, okay. Ça se tient tout seul en plus, il n'y a pas besoin d'en savoir plus sur le comics. Et ben on va passer à la première pause musicale et je me fais un petit kiff pour la pause musicale que je trouve qui est très dans l'actu et c'est Rage Against the Machine et j'ai oublié le titre donc je vous le dirai après. Yeah! machine rages on, or rage against the machine, that band is anti-family and it's pro-terrorist. Et donc c'était Sleep Now in the Fire, oui exactement, avec mon super accent de Rage Against the Machine. Et je pense que c'est un titre qui est très très d'actualité, puisque j'ai lu qu'il se reformait pour pouvoir faire des concerts anti-Trump. Ça c'est la meilleure nouvelle. C'est la meilleure nouvelle de la semaine, je pense. On a failli en avoir une avec l'arrêt de Maître Gims, je crois, qui était faux. Oui, là, c'était faux. Mais je crois que c'est vrai. Je prends des pincettes pour le dire parce que je suis pas sûr, mais je pense. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2. Je vérifie à chaque fois. Attends, je suis où? Donc pour le 102.2 pour les gens sur Montpellier et pour sur internet sur radiocampusmontpellier.fr pour les gens de la France entière ou du monde. Et sachez que vous pouvez nous retrouver en replay sur iTunes et sur notre site internet, donc comicsdiscovery.fr. Il est sorti aujourd'hui, donc j'en fais un peu de la pub. Voilà, il est tout nouveau, tout beau. Il est tout nouveau, il est tout aujourd'hui, beau. Aujourd'hui, plutôt hier. Quoi. Ouais, enfin, il est sorti hier. Oh, c'est bon, tu vas pas chipoter. Faut être précis. D'accord. Et comme tu parles un peu beaucoup, c'est toi qui vas commencer. Et on va vous parler d'un titre. Je pense que c'est un coup de cœur de entre tout. Enfin, toi, tu l'as lu depuis un moment. Oui, mais ça a été un coup de cœur à l'époque. Donc et moi, je pense que c'est un coup de cœur de ces dernières semaines. J'ai vraiment kiffé ce comics. Et donc, c'est 100 Bullets. Et tu vas nous parler du scénario Faye. Oui, oh là là, c'est vas-y. Fantastique. Eh bien, imaginez, c'est extraordinaire ce concept. Vous êtes là, chez vous, assis. Un mec arrive avec une valise. Il vous dit, dans cette valise, c'est formidable. J'ai les preuves de quelqu'un qui vous a fait des choses pas bien. Et en plus, dans cette valise, j'ai une boîte de 100 balles qui sont intraçables et vous pouvez vous venger. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il a une moustache? Eh bien non, car c'est le sosie de Pierre Belmar. Le prix Maryse. Tout à fait. Eh oui, Maryse, c'est fantastique. Non, mais sérieux. Puis sérieusement, voilà, c'est un concept de base qui est assez original, savoir ce que vous allez faire, si vous voulez vous faire justice vous-même ou pas. Ça commence comme ça. On a des personnages qui sont assez touchants, différentes histoires assez touchantes. Et au fur et à mesure qu'on les lit, eh bien, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus mystérieux et intéressant que ça. N'est-ce pas, James? Je vois que tu me regardes en acquiesçant. Ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur. Au début, t'as l'impression que c'est des petites histoires, des petits trucs one shot comme ça qui sur un personnage à chaque fois différent. C'est ça, à chaque avec fois, l'agent Graves qui revient à chaque fois, qui propose son flingue et ses balles. Dans les exemples, voilà, il y a des histoires assez touchantes. Par exemple, la première histoire de une jeune femme qui sort de prison qui s'appelle Didi, qui a perdu sa famille et donc on lui donne l'occasion de se venger. Et elle réfléchit. Il y a quand même un sens moral. Il y a des personnages vraiment très très bien écrits. On a une psychologie de personnage qu'on n'avait pas la semaine dernière dans Rebels. Ouais. Et le scénario a été écrit par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Monsieur Brian Azzarello, qui a écrit deux titres que m'a fait découvrir James et que j'ai beaucoup aimé, qui étaient sur le Joker et Lex Luthor. Et plus Lex Luthor, je trouve, parce que quand on lit ce comics, on se dit mais merde, le gars a raison. On comprend ses raisons. Donc c'est Luthor de Brian Azzarello et de Libermero. Les deux Luthor et Joker, c'est des one shot sur ces méchants là, sont vraiment géniaux. Donc moi je vous les conseille vraiment. Voilà, et là c'est pareil, on retrouve la même chose dans cette histoire. Ouais. Donc dans 100 Bullets, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont humains, qui sont réels, et quand on lit, on se dit mais merde, ça se trouve je ferais peut-être la même chose, quoi. On sait pas ce qu'on ferait sur d'autres. Moi j'avais peur que ça parte dans un truc trop pro-américain, genre oui il faut se faire justice soi-même et tout. Ouais. Et non, c'est beaucoup plus intelligent non, que ça. Non, parce qu'il y a vraiment, il y en a qui vont avoir un sens de justice, voilà, ils vont rester droits. Il y en a qui vont être plus pourris. On a vraiment tout un panel de l'esprit humain et je trouve que voilà, les histoires sont intéressantes, comme je vous le dis, on découvre au fur et à mesure qu'il y a des choses qui sont liées et j'ai trouvé que ça ferait une bonne série télé, je trouve. Ouais. J'ai vraiment l'impression de voir une série télé. C'est un projet, je soutiens à 110%. C'est un peu comme Preacher, ça fait partie de ces projets séries télé qui sont dans les cartons depuis, parce qu'effectivement ça se prête très très très bien cinématographiquement, enfin intervisuellement parlant. C'est construit comme une série, je trouve. On a l'intro, donc le postulat base, salut, je présente la situation, voilà ton crime, voilà le coupable, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est vraiment écrit comme une série télé, ça, en fait. Même le découpage des histoires, tu peux très bien imaginer des épisodes de 45-50 minutes. Ah oui, tout à fait, ça fonctionne. Et ce qui est bien, c'est que voilà, quand on n'est pas des gros spécialistes de comics, voilà, comme moi qui suis pas une grande spécialiste qui apprend, et ben ça permet de pouvoir un peu rentrer dans le média, parce qu'on n'a pas de super-héros, on n'a pas de histoire de continuité, on a une histoire qui est bien écrite, qui commence au début, qui nous prend, qui nous fait réfléchir, voilà, on essaie de mettre les pièces sur un puzzle. Avec des personnages touchants et tout. Ouais, des personnages auxquels on adhère, des personnages qui sont vraiment bien écrits. Donc vraiment, je conseillerais cette série aux gens qui veulent se mettre aux comics, qui savent pas par quoi commencer. Moi, je trouve que celle-ci, elle est vraiment très très bien. En plus, si t'accroches pas à une histoire, l'histoire suivante va pas forcément te parler. Mon histoire préférée, je crois que c'est l'histoire de la serveuse. Je raconterai pas parce qu'elle est vraiment très triste. Non, elle est géniale. Mais elle m'a vraiment beaucoup touchée, cette histoire-là. Est-ce qu'il arrive à faire des histoires soit un peu plus longues, soit même très courtes, en quelques pages, voilà, la valise, le revolver, un cas de conscience, ce que fait la personne. Il y a cette histoire de la vieille femme aussi qui arrive au commissariat. Et qui dit qu'elle a abattu quelqu'un et que personne ne la croit parce que tout est intraçable. Et en quelques pages, il arrive vraiment, je trouve, à faire des profils ou vraiment des personnages très très humains. Et effectivement, comme tu dis, Faye, à ce moment-là, on se pose tous la question lequel on serait, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même quand il revient dans le fil principal, c'est-à-dire dans le fil rouge principal de l'histoire qui va sûrement durer sur plusieurs tomes, et ben ça reste intéressant, on se sent pas coupé du reste et ça reste toujours humain. Même voilà, ces personnages mystérieux, on a vraiment envie d'en apprendre plus sur eux, c'est pas accessoire, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Mais on sent que derrière il y a un vrai univers au fur et à mesure des pages, tu sens qu'il y a un univers derrière qui est très touffu et très comment dire, je trouve plus mes mots, enfin qui a vraiment quelque chose il a pensé son truc derrière et t'as envie d'en savoir l'œuvre. Après, pour faire un rapport avec des séries télé, alors j'ai pas vu toutes les saisons encore, je commençais à regarder, je trouvais qu'au niveau ambiance ça me faisait penser un peu à Person of Interest. Je sais pas, j'aime niveau pas trop un petit peu. J'ai pas vu. Ouais, un petit peu au niveau ambiance, c'est-à-dire il y a des cas et puis il y a des choses qui se passent. Moi, ça m'a fait penser un peu à la série que tu regardais sur Netflix. Laquelle? Avec le mec avec le chapeau là. Le mec avec le chapeau. Blacklist. Ah, Blacklist. Il y a aussi un côté Blacklist non, également. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Pas vu non plus. Plus dans les premières saisons parce que maintenant ça devient un peu n'importe quoi. Ok, t'as un petit avis sur l'histoire avant qu'on passe au dessin? Alors, moi, du coup, je l'ai lu en entier, en VO. Ouais. C'est assez long, il y a 13 volumes reliés et effectivement le premier tiers de la série, ce sont voilà des histoires a priori sans lien entre les uns avec les autres, avec différents personnages qui se retrouvent encore une fois avec cette question qui peut être assez dramatique. Et effectivement, bon, sans vous spoiler du coup, très vite il a un gros fil rouge derrière, on découvre que finalement les personnages ne sont pas si indépendants les uns des autres, que c'est le fameux agent Graves qui apporte cette valise à une histoire, un background derrière, on découvre d'autres personnages et ça monte petit à petit. Alors c'est une série qui est pas assez facile à lire parce qu'il faudrait vraiment la lire d'un coup, parce que finalement vous vous rendez compte en lisant à la fin qu'il y a des événements que vous avez vus dans le tome numéro 2 qui apparaissent sur une nouvelle lumière, du coup que des personnages que vous avez vus deux pages dans le tome 3 apparaissent en personnage principal dans le tome 8. C'est très très riche et effectivement c'est pensé de A à Z, c'est vraiment vraiment bien écrit et ça finit en apothéose totale. Et ben là ça va être des gros, enfin cette réédition qui est vraiment, elle est super bien faite, elle est super belle. Je l'ai vu, ouais, elle est magnifique. Ouais. C'est un gros gros bouquin qui coûte 28€. Ça vaut le coup de l'acheter. Il y a combien de... Puis c'est bientôt Noël, je trouve que c'est une bonne idée de cadeau aussi. Ouais, et donc ça va être en 5 titres. Donc en 5 volumes, on aura toute l'histoire. Je pense que vraiment, en termes d'écriture, c'est vraiment très très bon. Ah, c'est, oui, c'est vraiment estomacant. Et au niveau du dessin, c'est aussi, même encore mieux, je trouve, si tu veux te donner transition. Ton avis. Transition génialissime. Magnifique. Donc au dessin, c'est Eduardo Risso, qui est un Argentin, donc c'est pour ça que c'est peut-être pas si comics que ça, qui a commencé dans les années 80 dans son pays, qui est passé un peu par l'Europe, notamment par la France, et qui a pu rebondir aux États-Unis, donc c'était fin 98, où il a rencontré Brian Azzarello sur un comic qui s'appelle Johnny Double, et ils ont enchaîné directement avec 100 Bullets, qui à ce jour est ce qu'il a fait de plus connu, de plus reconnu. Il a gagné 4 Eisner Awards d'ailleurs pour cette série. Et alors le style de Risso, ça rapproche vachement du noir, c'est ce style un peu cinématographique ou même littéraire, donc ces univers violents, sombres, assez pessimistes, pas mal de persos bien tourmentés, souvent même foncièrement mauvais, en référence un peu récente, il y a peut-être du Sin City. Moi ça m'a fait beaucoup penser à Sin City. Du Hella Confidential peut-être, Les Incorruptibles, un petit peu de Palma, ce genre d'univers assez codé où les hommes sont souvent borderline et des brutes, qu'elles soient physiques ou même morales, et où les femmes sont elles forcément assez sexy mais aussi manipulatrices et mortelles. Donc le style est parfait pour un endroit. C'est très Frank Miller, hein. Oui, ouais, il joue beaucoup sur les noirs, sur l'ancrage, sur le fait. C'est bizarre je dis Frank Miller et tu dis il joue beaucoup sur les noirs juste après. Oui, voilà, transition absolument pas politique. Non, mais il contrôle vachement bien les ombres et lumières. Et c'est vrai que des fois, on a un perso d'un coup qui va se cacher dans l'ombre, qui va avoir un côté inquiétant. On a aussi beaucoup, je sais pas si tu l'as remarqué, mais souvent, il déforme les traits de ses personnages, oui, quand ils deviennent animaux, un peu inhumains. Et c'est un peu sa spécialité, c'est ça. C'est le personnage est dans le noir, on voit que les yeux et la mâchoire avec les dents qui sont complètement déformés dans un rictus. Super bien avec le scénario, je trouve ça. Ouais, les deux, ça fait partie vraiment de ces duos d'auteurs, pardon. D'ailleurs, ils ont fait 2-3 comics entre eux, ça fonctionne très très très bien. Et du coup, il met vraiment une ambiance très anxiogène, très oppressive. Lazarello, il est fort pour ça. À chaque fois, il écrit pour son dessinateur. Quand il est avec Bermero, c'est la même chose. Il écrit pour Bermero. On sent que le mec est complice avec les gens avec qui il bosse et il arrive à avoir. C'est ça, quand t'as l'alchimie entre différents artistes, ça se voit de suite. Et effectivement, Risso, il nous régale dans tout un mois dans notre bolette. Tu as des quartiers sordides, c'est des tripots, des bars de striptease vraiment glauques, des hôtels miteux. Mais même quand il y a sans spoiler, il y a un moment où ça se passe à Paris et il arrive à rendre Paris dégueulasse. Et je trouvais ça original parce que d'habitude on a toujours le côté carte postale. Mais il y a un petit côté Paris carte postale tout en étant dégueulasse. Ouais, il te montre les bas-fonds un petit peu. Il fait pareil avec la Nouvelle-Orléans. Il y a un arc que vous n'avez peut-être pas lu encore parce qu'il est vers le milieu qui est magnifique. La Nouvelle-Orléans autour d'un musicien qui reçoit la mallette et qui est très très très poignant. Et alors, juste petite anecdote, en VO, il y a quasiment tout un numéro qui se passe à Paris qui est en français. Et pour une fois, c'est bien écrit parce que les Américains, quand ils font des numéros, ils écrivent en français, c'est une catastrophe. Sûrement. Oui, sûrement. Ah non, il parle pas en français parce que c'est non, il est vers le milieu. Ouais, c'est pas celui-là. Et d'ailleurs, il fait un espèce de récap de ce qui se passe avant. Et en français, c'est quasiment l'argot. Pour le coup, c'est du parler. C'est vraiment, pour une fois, c'est vraiment bien fait. Merci, monsieur Lazarello, pour nous prendre pour des crétins, quoi. Donc voilà, le style est parfait. Et la colo est pas mal aussi. La colo, ils sont deux. Il y a Grant Golish et Patricia Mulvihill, qui en général ont des palettes assez simples, mais c'est volontaire. Soit c'est assez chaud, c'est assez organique. Vous avez des jaunes, des oranges. Soit au contraire, c'est très froid avec des verts et des bleus. C'est un travail assez discret, mais qui pour le coup là aussi fonctionne très très bien avec le style de Risso, où, de toute façon il y a énormément de noir dans ce qu'il fait. Et alors moi le seul petit bémol que je mettrais, c'est que la série est assez longue. Il y a 13 volumes reliés il y a 100 numéros US single, ça fait 13 volumes, alors ils vont peut-être en faire 5 là, comme tu disais. 5, ouais. Mine de rien, à la longue, tu reconnais un petit peu le coup de patte de Risso et des coloristes, ils se renouvellent pas forcément extraordinairement. Cela dit, très vite, le scénario prend tellement le pas là-dessus que ça fonctionne à fond. Et ils ont vraiment un trait, tu vois bien que tout ça va, encore une fois, va vers une espèce de finale qui est complètement, complètement ahurissant. Tu le vois venir, mais quand tu le lis, t'es vraiment, c'est sur le cul. Alors voilà, c'est vraiment, moi la team m'a régalé de A à Z, quoi. Donc, je pense que vous l'aurez compris, c'est un coup de cœur vraiment pour l'équipe. Moi j'ai vraiment adoré ce titre. Ouais, les yeux fermés, si vous voulez, jeter deux, trois yeux. Meilleure série de cette année, tu vois. Je pense que... Ça, Netflix, ça, Le seul petit défaut, c'est que le prochain tome, il est qu'en mars. Ah ouais, ça d'accord. Fait un peu loin. Ouais, et puis pour le coup, je me répète, mais c'est vraiment un truc à peut-être à lire d'un coup. C'est pas évident. Je vais piquer tes volumes d'anglais. Tomes quand même. Voilà. Ouais. Toi, tu les as tous en VO ? J'ai tous en VO. Ah, okay. Et en fait, pour la petite histoire, je les ai commencé à les lire, j'ai fait un break, j'ai recommencé, j'ai laissé tomber parce que je comprenais, mais j'avais des trucs que j'avais lâchés, je me suis tout retapé d'un coup, je me suis régalé. Ok. Et tu as peut-être un dernier petit mot, Faye, sur la série ? Non, j'étais d'accord avec ce qu'il disait. Tu achèteras la suite. Oui, tu achèteras la suite. Oui, tu peux acheter la suite et tu me la prêtes après. D'accord. Et par contre, je voulais juste dire, sur les dessins, ce que je trouvais marrant, c'est qu'en fait, certains personnages, ils me faisaient penser à des vrais acteurs. Et par exemple, l'agent Graves est un de ses acolytes, je vais y arriver, excusez-moi. Il y en a alcoolique. Aussi. En fait, ils me faisaient penser un peu à Tommy Jones, hein, et un à Johnny Depp, en fait, au niveau du trait du dessin. Ah, tu parles du vendeur de glace ? Oui, voilà. Mais tu vas spoiler. Je trouvais qu'il y avait un petit. Il fait le beau gosse un peu. Je sais pas, je me suis dit, du coup, ça m'a encore ajouté à l'aspect. Un petit truc qui est cool dans la série, c'est qu'ils mettent en avant plein de minorités. Et ça, c'est super bien. Oui, ça se paye. Puis de manière assez intelligente, effectivement, t'as les Latinos, t'as la communauté black et compagnie. Voilà, c'est pas cliché, c'est super bien. C'est vraiment bien écrit. Et puis, effectivement, Risso, mine de rien, vers la fin, t'as énormément de personnages, mais il est suffisamment bon pour. Tu t'en tires très bien. En cherchant, parce que j'ai fait un peu de la pub sur Facebook, du coup, j'ai cherché un peu des images de Risso. À mettre en avant sur le Instagram. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, Comics Discovery. Comme je fais trop bien la pub, je suis magnifique sur ça. J'ai vu une planche où il y avait tous les personnages qui étaient ensemble dans un bar et il y a vraiment plein de personnages différents et tout. Ils sont tous reconnaissables avec un petit Ils ont tous une histoire et à la fin, tu les connais tous et c'est pour ça que le final est vraiment, vraiment bien, encore une fois. Okay. Il y a quasiment du Sergio Leone des fois dans les duels et tout, c'est vraiment bien écrit. Donc vous l'aurez compris, on vous conseille vraiment très fortement d'acheter ce titre. Et on va passer à la deuxième pause musicale. Donc c'est, je m'excuse par avance pour ce titre, c'est un petit trip avec moi-même. C'est Coreheart, Sunglasses at Night. Et donc c'était Coreheart, Wear Sunglasses at Night, et c'était un petit délire avec moi-même parce que je regardais le clip de cette chanson, elle est très... J'ai écouté la chanson, c'est vrai. C'est quoi déjà cette chanson? C'est Coreheart, c'est un truc que je t'ai montré avec un mec qui fait un cul de poule, qui fait une duck face pendant tout son... Enfin, qui est très très drôle. Donald Trump? Non, ce n'est pas Donald Trump. J'ai cru qu'il s'était Ça reste dans le thème puisque c'est une chanson qui est dans X-Men Apocalypse. Donc voilà. Ah, décidément. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2 pour les gens sur Montpellier, et sur Radio Campus Montpellier.fr tout simplement pour le reste du monde, puisque tout le monde peut nous écouter sur internet. Même Stan Lee nous écoute en ce moment, en fait. Même Stan Lee nous écoute, exactement. Il nous fait un procès parce qu'on raconte n'importe quoi. Peut-être qu'un jour il faudra faire un caméo, je sais pas. Donc on va conclure avec nos petites attentes et nos petits coups de cœur sur le comics ou même sur hors comics, et c'est Faye qui va commencer. Ok, bah moi j'en ai deux petits, mon cher James. Vas-y. D'abord, bah, je suis super contente parce que Wooniverse, donc qui est un podcast sur Doctor Who, a enfin refait un numéro pour parler du spin-off qui est sorti récemment, qui s'appelle Class, qui avait commencé de façon, on va dire, sympathique pour avancer dans des épisodes bien pourris. Donc je suis un peu déçue, mais je suis contente de les retrouver, donc bonne humeur. Donc je leur passe un petit coucou. Et puis, deuxième chose, bah, j'attends d'essayer de voir l'émission de Mark Hamill. D'essayer de voir, j'ai dit. Oui. Oui, l'émission donc de Mark Hamill qui s'appelle Pop Culture Quest, qui est en fait diffusée à partir d'aujourd'hui sur Comic-Con HQ, et j'espère que, bon, c'est payant en fait, et j'espère que peut-être quelqu'un le mettra sur YouTube ou quoi. Un pirate. Et pourquoi j'attends ça? Parce que Mark Hamill, en fait, avec cette émission, va aller à la rencontre d'artistes travaillant, donc évoluant dans la pop culture. Et notamment un grand voilà. Nom de chez DC, qui est... C'est Jim Lee. Normalement, dans la première émission, j'ai vu l'image, il est allé rencontrer Jim Lee qui lui a fait un beau dessin du Joker. C'est cool. Mark Hamill, ouais, pour les deux du fond, c'est Luke Skywalker, voilà. Et c'est la voix off du Joker. Tout dans à fait. Et c'est aussi un geek, en fait. C'est un très grand fan de pop culture, qui adore le comics, qui adore les films, qui adore plein de choses. Et donc, du coup, c'est cool qu'il fasse cette émission. Ok. Et toi, que tu as une petite attente, un petit Les deux, petit coup de cœur rapide pour deux séries qui sortent en ce moment aux États-Unis et que vous allez sans doute découvrir en France, j'espère. La première, c'est Han Solo, de chez Star Wars, qui est scénarisé par Marjorie Liu. La deuxième, c'est la série sur le Punisher, qui est scénarisée par Becky Cloonan, et c'est un petit coup de cœur parce que ce sont deux scénaristes filles qui scénarisent des séries plutôt garçons, parce que le plutôt badass, voilà, plutôt badass, plutôt vilaine, et je trouvais ça super cool d'avoir. C'est bien que Marvel il fasse des trucs un peu hype avec des séries de filles scénarisées par des filles, mais finalement on s'aperçoit aussi qu'elles peuvent très bien faire des machins badass. Exactement. Des machins assez cool. Et Han Solo, vous allez la découvrir, je pense, fin d'année, je crois. C'est dessiné par Mark Brooks. Oui, il me semble que ouais, c'est même plutôt cool. C'est peut-être le meilleur truc que j'ai lu en Star Wars depuis le relaunch. C'est vraiment, vraiment bien, c'est vraiment, vraiment beau. Et donc voilà, c'est cool de voir des filles scénariser des machins de mecs, entre guillemets, pour pouvoir faire okay. Un peu court. C'est cool. Et la petite attente qui n'a rien à voir, c'est Hardwire to Self-Destruct, le prochain Metallica qui sort dans les jours qui suivent. Ok, peut-être qu'on en passera. Sur ton album ? Ouais. Peut-être qu'on en passera un la prochaine émission. Voilà. Ah ouais. Ou un Justice for All, peut-être, parce que ce que j'ai écouté, c'est on s'en fout, c'est Metallica. Ouais, c'est pas Metallica. Mon coup de cœur, c'est le site internet de Comics Discovery, parce qu'il est vraiment tellement beau et tellement génial. Donc ouais, allez-y, parce qu'en plus, il y a une super critique de Star Wars tome 3 et Dark Vador. Alors, allez-y, tome 3. Parce qu'il va nous saouler, sinon. Ouais, allez-y. Donc je l'ai fait en avec, plus, mes, c'est gratuit, c'est avec mes petites mimines. Voilà, donc allez-y. Et mon attente, c'est le site internet de l'Amicale du Geek qui est en production en ce moment. D'accord. Donc voilà. Et voilà, sur ça, on va conclure. On va lancer la chanson. Et je crois que c'est Omen de Prodigy. Et sur la conclusion, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast en téléchargement sur iTunes, sur PodCloud et sur Android. Sur Android. De tout partout. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes, car plus on sera référencé sur iTunes, mieux on sera mis en avant par le site. Et encore une chose, si vous avez envie de parler avec nous de comics, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous avez un formulaire de contact sur le site, le très beau site comicsdiscovery.fr. Il y a un site Comics Discovery. Oui, il y a un site Comics. Il est très très beau d'ailleurs. Je sais pas si je te l'ai dit. Allez-y, il y a un formulaire de contact, ou sinon tout simplement contact@comicsdiscovery.fr. Même si vous avez des questions un peu généralistes sur les comics. Oui, allez-y. Ou envie de parler à l'un de nous de Star Wars ou autre chose. Par exemple. Je sais que notamment sur le forum Buzz Comics, il y avait des gens qui réclamait Jorus en disant, Jorus Mathieu, oui, ouais, en disant ouais c'est trop bien. Tu viens de dévoiler son identité. Je viens de dévoiler ton identité. C'est un peu de schizophrénie. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'était tout. Et puis réseaux sociaux aussi. Réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Le pub. Retrouvez-nous partout. Et encore merci beaucoup à Arnaud à la technique qui a fait un super travail comme à chaque fois. Et voilà, sur ce on vous laisse. Allez, bye bye. Bonne soirée.